Yes, I strictly I tell you I am putting on the pop. Hey, ring the alarm. Hey, whoa. Put a smile on your face. Strictly I tell her I am putting on the charge. This is a sound man session, come follow me. Someone session, this is a sound man session. Et bonsoir à toutes et à tous, il est 21h07, vous écoutez Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier, on est le lundi 26 novembre et nous sommes réunis, toute l'équipe autour de cette table pour notre troisième émission. Salut les gars, ça va? Salut, salut. Et salut. Ça va très bien, et vous? Bah ça va, écoute. Donc Ludo, toi t'es venu nous faire le point sur le dernière sortie, il y a eu pas mal de choses très intéressantes, vous verrez ça un petit peu plus tard dans l'émission. Exactement. Yanis, tu viens avec un focus sur un artiste. Ouais, ouais, sur Martin Campbell, donc vous verrez plus de détails après. Exactement, et puis moi je vous ferai un petit concentré de soirée qu'on pourra découvrir durant le mois de décembre, à suivre du coup dans la suite de l'émission. Et il y aura pas mal de choses justement. Alors on n'a pas d'invité ce soir, donc ce soir ce sera une sélection 100% Campus Hi-Fi, une sélection maison. Mais avant ça, on va revenir sur une sortie très importante ce mois-ci, c'était le 9 novembre. Je parle bien sûr de l'album de Cali Live Dub Remixed. Ring the alarm, and not a sound is dying. Et oui, au début du mois, les amateurs de Cali Live Dub ont eu l'agréable surprise de voir sortir la compilation Cali Live Dub Remixed avec des pistes revisitées par une des parties des artistes de ODG Prod. Pour rappel, Cali Live Dub, c'est un groupe d'électro-dub créé en 1995 à Lyon dans le quartier populaire de la Croix-Rousse. Le groupe est surtout axé reggae roots au début jusqu'en 1999, date à laquelle il est restructuré. Les cuivres et le chanteur font alors place à des machines et à un orgue. Leur premier maxi 4 titres qui s'appelle 1,4 kHz est une réussite dans le sens où il pose des bases solides de l'identité sonore du groupe, un dub électro progressif et transcendant. Un an après sort leur premier album Electronic Cool Aid, une des meilleures sorties françaises de l'année, il est remarqué pour son important choix de samples qui feront la caractéristique du groupe. Dans la foulée sort Encounter One, nouveau maxi 4 titres marquant la collaboration de Cali Live Dub avec Rod Taylor, célèbre chanteur jamaïcain. En 2003, le groupe sort son deuxième album Hydrophonique, album plus ouvert et plus éclectique dans les thèmes électro abordés. Les morceaux sont teintés de sonorités orientales et même des passages jungle. On écoute un extrait. Un extrait du morceau Waiting for Tom Select, dernier morceau de l'album Hydrophonique. Toujours en 2003 sort le maxi Encounter 2 Maxi Remix, qui n'est autre qu'un remix de 4 titres présents sur leur premier album par des groupes tels que Hightone, Ja Warrior, Pushy et Crystal Distortion. Cette année-là sort aussi un 45 tours issu de la rencontre mémorable entre Cali Live Dub et Hightone. L'EP s'appelle Calton, c'est l'union de deux acteurs principaux de la scène française. Extrait. We'll be right back. C'était le morceau Doppler Dub. En 2005, Kali Live Dub sort le troisième album Repercussion, qui marquera le paysage musical français. On y retrouve toujours ses sonorités orientales et des morceaux aux atmosphères parfois industrielles et angoissantes, mais surtout très influencés par le dub jamaïcain de Matt Professor ou encore Lee Scratch Perry. L'album est très bien accueilli dans la presse spécialisée et le morceau Don't Disturb the Dragon est diffusé sur de nombreuses radios du monde. C'était le morceau Don't Disturb the Dragon, issu de leur album Repercussion. En 2008, ils sortent l'album Fragments, en 2010, Lighting the Shadows, et en 2013, Alaxis. La légende raconte qu'ils ont vécu dans la même coloc qu'Hightones à Lyon, comme quoi les grands esprits se rencontrent, et tout comme Hightone, Zenzile, Brain Damage, Improvisers Dub, Ezekiel et j'en passe, ils ont marqué le paysage dub live français des années 90 et 2000. Et c'est pour rendre hommage à ces grandes heures du dub français que le label Original Dub Gathering, ODG Prod, et la boîte de prod Afterwork ont décidé de sortir un album remix des morceaux de Kali, à l'instar d'Hightone il y a quelques mois. Je vous propose d'écouter quelques extraits de l'album pour vous mettre en bouche. C'est l'extrait de Triakis Dub Destroyer, le morceau s'appelle Corn Knot et on le retrouve en dernière track de l'album. Sur cet album de remix, on retrouve aussi les artistes Sound Doctor, Candy Dub, Root Zombie et Gary Clunk, Roots Raid, Full Dub, Bizou, MDC, T-Burk, Tetrahydroka, Still Alive et KSD. Un de mes morceaux préférés de l'album, c'est le remix de Bizou et du coup je vous propose de l'écouter en entier pour finir cette chronique. Seems no one's around, yes. Starvation on the ground, and no money to be found, yes. Do no bad at all, sir. I'm on to your life, sir. Though the hole is getting deeper, Jack can be your savior. Do no bad at all. Though the hole is getting deeper, Jah can be your savior. If Yes, I, c'était Bisou avec le morceau No Bother Jam qu'on retrouve donc sur la compilation Kali Live Dub Remixed disponible sur le site ODG Prod. On va passer à la chronique de Ludo, le point sur les sorties. Et du coup, alors ce dernier mois, comme je disais, il a été marqué par de nombreuses sorties. Vraiment en tout genre, hein. On a du gros stepper qui tâche, on va dire, et des choses un peu plus subtiles. Donc déjà, pour commencer, le label Marée Basse a produit l'album Strict de Dub Normal. En voici un extrait. Et du coup, c'était un extrait du morceau « Why must we forge such weapons ?» Et ensuite, alors pour continuer ce mois-ci, à l'étranger, plus précisément à Londres, il y a le label Fat Birds Recording qui a sorti deux créations de No Pain No Gain. Voici un bout du morceau « Tibio ». Ensuite, chez le web label ODG Prod, il y a Plus Stepper qui a sorti un album de 10 titres, il y a même pas une semaine. Et alors on va s'écouter un extrait du morceau Asian Train. Alors moi j'aime vraiment ce son. Allez l'écouter en entier, hein, lire sur le SoundCloud ou le site d'ODG Prod. C'est bon, Plus Stepper. Hein. Ouais, on est sur ce tranchant là un peu plus en effet. Il y a Full Dub qui a également vu sortir son album Dark Matter il y a presque un mois déjà, toujours chez ODG Prod donc. Moi j'ai retrouvé quelques sonorités dans certains morceaux, un petit peu de step, ça commence à tendre, ou alors pas mal de synthés du même style que ceux de Bisou. Alors le premier titre de l'album, excusez-moi, c'est The End. Allez savoir pourquoi pour un premier titre, enfin bref. Donc, du coup, tout à l'heure... Ça partait bien. Ouais. Un petit extrait ouais, qui donne envie d'y retourner. C'est sur le SoundCloud d'ODG Prod, hein. Faites-vous plaisir. Donc les synthés, hein, c'est un petit peu comme ce qu'on entendait tout à l'heure dans le remix de Kali, enfin de Bisou de Kali. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, carrément. C'est vraiment la touche de Bisou. Full Dub, de toute manière, il y a beaucoup de synthé déjà dans la plupart de leur album quand même. Bien sûr. Après celui-là, je l'ai écouté, c'est vrai qu'il est très très orienté justement, ce petit côté pop à la Bisou. Ouais, c'est ça. Le nouveau dub un peu français. Électro, Alors ensuite, pour revenir au web label également d'ailleurs, Marée Basse, ils ont fait sortir Nausicaa de Stepperson. Et là, c'est peut-être le plus gros stepper de la soirée. Voici le morceau. Thank you. 噂を聞いた。デジデジの地下に眠っていた旧世界の怪物が掘り出されたというのだ。旧世界の怪物？ Alors c'était le morceau Ride of the Homus de Stepperson. L'album, comme je disais, il est disponible sur le site, pareil encore une fois le SoundCloud, mais cette fois-ci de marée basse. Donc je trouve que c'est quand même un groupe qui porte bien son nom. Hein. D'ailleurs, pour l'anecdote, à l'origine ils étaient deux dans ce projet. Puis début 2018, il y a Raoul Tech qui s'est rajouté. Donc pour ceux qui ne savent pas, Raoul Tech, lui, il est connu un peu plus pour des sons hardcore de base. Il y a d'ailleurs un jingle, si vous avez la chance de l'écouter sur Radio Campus, qui est tiré d'un de ses sons. Et donc je pense qu'il a rajouté sa patte un peu plus énervée sur ce dernier album. Il a contribué à augmenter le BPM, effectivement. Ouais. Sachant que Stepperson, c'était quand même déjà bien c'était énervé. Bien quand énervé quand même. De base, ouais. Mais le BPM était peut-être plus lent, mais c'était hyper massif et tout. Les morceaux 2 que j'ai en tête, en tout cas. Ouais, je trouvais ça quand même assez rapide pour du dub. Ouais, bien sûr. On disait, c'est vrai que ça va vite. On voit pas trop la différence entre dub et techno. Enfin, la frontière est un peu plus subtile. Et il y a un petit snare sur le troisième temps, tout ça. Si emblématique du dub. Et ouais, sinon, pour revenir sur la sortie de l'album de Kali Live Dub, je vais rajouter un petit truc aussi. Déjà, le morceau de Bisous, je l'ai trouvé excellent, comme beaucoup de morceaux Bisous. Je suis d'accord, je connais pas l'original du morceau, mais celui remixé par Bisous, effectivement, est plutôt dansant et tout ce qu'il y a de bon pour faire un bon morceau à mon goût. C'est le morceau qui m'a le plus plu sur cet album. Et oui, mais cet album m'a plu en général aussi, comme celui d'Iton qui s'est sorti il y a quelques semaines. Et c'est vrai que je trouve que déjà c'est hyper symbolique comme sortie. Bien sûr. Voilà, c'est toute la. Des représentants de la nouvelle génération du dub qui reprennent vraiment les morceaux des papas. Exactement. C'est rigolo cette rencontre un peu du style un peu passé, emblématique du dub français, et avec la rencontre justement avec cette nouvelle génération, effectivement, ça donne un remix parfait. Maintenant, on va passer à toi, Yanis, on va faire le petit point sur Martin Campbell. What's the time you have the dread? 12 o'clock, Nati. Et oui, Martin Campbell, donc pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous avez remarqué que c'est pas la première fois que je parle de lui. Tout simplement parce que c'est un de mes artistes phares, celui qui m'a plus ou moins fait découvrir l'univers du reggae. Donc Martin Campbell, né en 1955 en Allemagne, va passer 10 ans de sa jeunesse en Jamaïque où il découvrira une véritable passion pour la musique. Dans la moitié des années 60, il partira comme beaucoup d'autres en direction de l'Angleterre, où il s'enfoncera de plus en plus profondément dans la culture jamaïcaine, où il sera beaucoup influencé par des sonorités d'Ora Sandy et Dennis Brown, et particulièrement son album General, dont on écoute tout de suite un extrait. Donc au début des années 80, il se procure son tout premier enregistreur 4 pistes et lance les prémices de Channel One UK après sa visite dans les studios des frères Ukim à Kingston, qui lui permettent d'utiliser le nom du label. C'est donc le début de sa carrière musicale et il joue sur tous les tableaux, producteur, arrangeur, musicien, chanteur. Donc on va pas faire le tour complet de sa discographie qui est plus que complète, on va quand même s'attarder sur quelques projets. Donc notamment son premier album Dream is Over sous le label Jawork en 1990 et l'un de ses titres phares, Wicked Rule, dont on écoute tout de suite un extrait. Donc Wicked Rule, que j'avais déjà passé sur un coup de cœur. Donc trois albums plus tard, on le retrouve en collab avec High Tech Roots Radic et son album San Diego Vibes. Donc cette fois-ci sous le label Channel One UK, dont on écoute tout de suite la 7ème track, San Diego Vibes. c'était San Diego Vibes de Martin Campbell, issu de l'album du même nom sorti en 2002. Il sortira ensuite un album solo, Take a Look, en 2005, dont deux titres qui ont particulièrement retenu l'attention, Stumbling Block, qu'on entend actuellement en fond sonore. Et le titre The Clock, qu'on écoute tout de suite. The clock ticks on, getting nearer every day. No one can stop it anyway. With only minutes to go to the end of the show, yet the people still love to play. How I long to see things change. It won't be long before Jehovah rearrange. How I long to see things change. With only minutes to go to the end of the show, yet the people still love to play. C'était The Clock de Martin Campbell, troisième track de l'album Take a Look, sorti en 2005 sous le label Logon. Donc on peut aussi noter sa collaboration avec Hyton sur l'EP Urban Style, sorti en 2005 sous le label Jarring Effect, qu'on écoute tout de suite. Urban Style. Rough. Urban style, the living is rough. urban style, living is tough. Urban style, we've had enough. Urban style, becoming enough. Wake up in the morning, what do you see? Pure concrete and tenements standing over we. When you come from country, it's pure concrete there. Man doing drugs, nobody cares. We just got to find a way back to paradise someday. Urban style, the living is rough. Urban style, the living is tough. Urban style, we've had enough. Urban style, becoming. C'est toujours Martin Campbell sur sa collab avec Hyton Urban Style. Donc Martin Campbell qui sortira en 2010 son dernier album Historical Tracks, où il sort du coup ses tracks non publiés entre 78 et 95. Donc voilà, c'est tout pour ce point focus sur ce grand monsieur que vous pourrez peut-être croiser dans un taxi anglais, étant donné que pour la petite anecdote, il en a fait son métier. Donc si vous le croisez, manquez pas de lui dire bonjour de ma part, hein, ça fait toujours plaisir. Donc, il fera un big up. Ouais, bien sûr. Donc je vous propose de finir sur le remix d'ODG d'Urban Style qu'on vient d'écouter, sorti sur l'album Dayton Remixed, donc on écoute ça tout de suite. Rough. Concrete and tenement standing over we. When you come from country, it's pure concrete there. Man doing drugs, nobody cares. We just got to find a way back to paradise someday. Urban style. Urban style, living is tough. Urban style, we had enough. Urban style, become enough. C'était donc le remix d'Urban Style Dayton en collab avec ODG. Donc je vais prendre la suite. C'était ce que t'écoutais du coup au lycée. Et ouais, carrément, ouais. Tes premières approches du dub. Ouais, Martin Campbell, ouais, même avant le lycée, du coup, c'était mon ancien beau-père qui écoutait pas mal Martin Campbell et du coup qui m'a fait découvrir l'univers du reggae avec ça. Et toi, Ludo, comment est-ce que t'es arrivé dans l'univers du reggae et du dub? Ah, bah, c'est un tout autre chemin. C'était plus par la voix dubstep avec Skrillex. Précisément le morceau Make It Bundem. Je me rappelle des avec soirées avec Damien Marley. Ouais, ouais, exactement. Et du coup c'était fin collège, ouais. Je me souviens avoir passé des soirées dans ma chambre tout seul dans mon lit, être là mais ouah, ce son est fou, il y a vraiment un truc, et à hocher la tête tout seul dans mon lit, ça avait aucun sens. Et puis enfin bref, de fil en aiguille, on en est là maintenant. Ouais. Et toi Romain, par exemple? Bon, moi Ludo, tu le sais très bien que c'est un peu comme ça aussi, ouais. Puisque on vivait un peu ces moments ensemble. Et après, c'est vraiment par la voie du reggae que je suis arrivé dans l'univers. C'est vrai qu'il y a pas mal de Bob Marley, pas mal de gens autour de nous qui écoutaient. Ouais, les gros classiques quand même qui m'ont amené jusqu'ici. Ouais. C'est vrai que c'est un peu similaire aussi. C'est le reggae qui m'a amené à écouter du dub et le dub qui m'a amené à écouter de la techno. Ouais, voilà. J'ai fait le même trajet. Pas que j'écoute plus de dub ni de reggae, au contraire, sinon je ne serais pas là. Et ouais, non, c'est surtout le reggae, vraiment le reggae roots, limite rocksteady, qui m'a fait kiffer au tout début. Et au fur et à mesure, on est plus dans le temps, on arrive à écouter le dub. Et... Bien sûr. Voilà. Et tout ce qui s'en rapproche ou s'en éloigne. Il y a plein de manières de rentrer dans le dub, et après le jour où tu fais ta première soirée sound system, ouais, là c'est plus possible d'en sortir. T'es convaincu. Justement, en parlant de soirée sound system, Romain, on va passer à l'agenda. Alors, pour ce qui est des sorties, demain soir, c'est-à-dire le 27 novembre, on retrouvera South Attack qui revient à l'ODB pour une session de 21h à minuit 30, avec au programme un avant-goût de l'IP d'Herba Vibration qui sortira très prochainement. Donc on pourra également en profiter dans les prochaines sessions qui se déroulent tous les 4e mardis du mois, même lieu et même heure, et soirées gratuites comme d'habitude à l'ODB. Pour continuer dans les événements de la semaine, jeudi, donc le 29 novembre à la pleine lune, nous pourrons retrouver le Sound System Montpellierin Chalois Meditation pour une session avec Ras Italbi et Peter Yossman. Ce samedi 1er décembre à Victoire 2, une soirée nommée Full Dawa avec Tetra Hydroca ainsi que le groupe de trance instrumental La Petite Fumée, avec en première partie Travel Sound. Le début des festivités sera à 20h pour la somme de 15€ en pré-vente et 18€ sur place. Vous pourrez d'ailleurs nous y retrouver parce que c'est une soirée à ne pas manquer. Tout à fait. Le même soir au Méloman, pour ceux qui préféraient aller écouter la 5e session de Conscientious Corner, on aura les artistes Simba Roots à la sélection sur la sono de Salomon Heritage qui passeront également quelques nouvelles productions de leur label. Le tout avec stand de nourriture Ital et également de vinyle de 23h à 5h du matin pour 10€. Le mardi 4 décembre, encore une fois à l'ODB, Jawork Promotion débarque pour la première session dans le bar de la rue des écoles laïques de 21h à 1h et évidemment ce sera encore une fois gratuit. Le 4 décembre également, encore une fois deux soirées qui se dérouleront sur le même soir. À partir de 20h à l'Antirouille, on pourra assister au concert de General Levy produit par Joey Ariwa, qui est le fils du grand Mad Professor. Et on retrouvera également Izzy Ashanka et Mikizan. Izzy Ashanka. Easy Ashaka, ouais, excuse-moi, et Mickey Hassan, pour 14 euros en pré-vente. Samedi 8 décembre à Sommières, au Quai des Arts, on aura la seconde session du Quai des Dub Express, qui commencera par des musiques antillaises et sud-américaines, oscillant entre reggae, cumbia et dub, pour se finir sur un univers plus électro et techno, tout ça pour une paf de 5 euros de 21h à 6h du matin. Et le 15 décembre, basse pressure numéro 2 à Victoire 2 de 22h à 4h. La soirée sera sonorisée par Jawork Promotion sur 8 scoops, sur lesquels se produiront Ras McBean avec Zion Gate et El Fata avec Jawork. Et un stand vinyle et de restauration seront sur place, le tout pour 12 euros en pré-vente et 15 sur place. Et pour finir, le 18 décembre, comme tous les 3e mardis du mois, vous pourrez voir Salvace à l'ODB avec de 21h à minuit 30, avec une soirée allant du Roots au Stepper pour le plaisir de nos oreilles et également de nos porte-monnaies, puisque ce sera gratuit. Pour illustrer un petit peu ces sorties, je vous propose d'écouter un extrait du dernier album de Tetra Hydroka, donc Ayahuasca. Et c'est un remix de Vibronix, le morceau s'appelle Blaze of Fire. line. No, we're not gonna let them know. No, we're not gonna let them cross over the line. No, we're not gonna let them know. Et voilà, c'était donc Blaze of Fire, un remix de Vibronix fait par Tetrahydroca. Et pour ce qui est des sorties, je vous parlais il y a quelques instants du Cadets Dub et on est allé assister à la première session. Exactement. Il y a 10 jours. Et comme artiste, on avait notamment Natural Eye Dubs qui passait. Et Cédric, du coup, je te propose de nous en parler un petit peu plus. Ring the alarm, and I'm sound as Alors t'as très bien présenté Romain, il y a 10 jours on est allé assister à la soirée donc, des copains de Travel Sound à Sommières, big up à eux. Ils ont invité Jumping Lion Sound System, les chanteurs Davoja et le KMC, Léo Dika aux instruments et surtout Natural High Dubs qui nous a bien plu à l'équipe, c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire une petite présentation. Natural High Dub, Antonin Chaplin de son vrai nom, débute la musique en 1998 dans le projet Hightone, au clavier et aux effets. En 2009, il initie le collectif Dub Invaders, qui est dédié à la culture sound system, avec lequel il réalise une trilogie de 3 LP, sortis sur le label lyonnais Jarring Effect. Je vous propose d'écouter un extrait de Dub On Air, sorti sur l'album Wake the Town and Tell the People en 2009. En 2017, il lance une série de maxi intitulée In a Wild Style sur les labels ODG Prod et Marée Basse. On va parler du premier notamment qui est sorti en février 2017, où il a bien su s'entourer. On retrouve notamment les voix de Joe Pilgrim, de Danman, le DJ de Irashan Stepa. On retrouve aussi la voix de Papa Jim pour le morceau Rub-A-Dub Anthem, accompagné de Melodica et d'une basse bien planante. Je vous laisse écouter. Il y a une petite erreur dans les extraits, malheureusement. Du coup, je crois qu'on va se réserver ce morceau pour la session. Hein. c'est un très bon morceau. Pour revenir à Natural High Dub, il se produit seul aux commandes de sa console 10 pistes, distillant un dub brut et impactant en live act, rappelant parfois la techno, mais surtout une certaine expérience Hightone. On a beaucoup apprécié les notes de ce monsieur du dub et on ne peut que vous conseiller d'aller l'écouter en live si vous avez l'occasion, notamment dans la région toulousaine. Live qu'on a pu apprécier du coup lors de la soirée Quai des Express au Quai des Arts à Sommières et on remercie gros big up à Travel Sound pour l'organisation de cette soirée, aussi pour leur émission Mashup, l'émission qu'ils font chez nos confrères de Radio Sommières. Exact. Voilà, des bons dub activistes. Et sinon vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée? Moi franchement je me suis régalé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de soirée sur le système et là c'était vraiment un plaisir, c'était super bien organisé, très bonne ambiance. Des bières pas trop chères. Et c'est vrai que Natural High Dub, ça m'a bien régalé. Comme on disait à la fin, que celui qui dise que le dub ça bouge pas, il vient de me voir. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, c'était une très bonne soirée, une très bonne soirée. Je me suis régalé, effectivement, des artistes au top et une soirée toujours à la hauteur des attentes, comme toujours avec Travel Sound. Ouais, vraiment, les soirées bon enfant, on se prend pas la tête, ça fait plaisir. Ouais, familial et. C'est ça. Et on peut que vous recommander d'y aller, ouais. Avec des bons invités forcément. Comme toujours, voilà, bah du coup il y a la deuxième au mois de décembre, au Quai des Arts à Sommières. Exactement, on pourra le retrouver le 8 décembre. Ouais. Plus techno, hein, je pense quand même. Ouais, surtout sur la deuxième partie. Ouais. C'est ça. Alors on va continuer avec un extrait toujours de Natural High Dub avant de passer à notre sélection Campus Hi-Fi. Un extrait du In a Wild Style partie 3. Un morceau qui s'appelle The Dog Who Have Bitten Me. Mmh. Natural High Dub, The Dog Who Have Beaten Me. C'était l'émission Campus Hi-Fi. On va maintenant continuer avec la sélection Campus Hi-Fi jusqu'à 23h au moins. Ludo, quand tu es prêt, allez, c'est parti. C'est parti. Soul Syndicate pour commencer cette sélection. Thank you. thing I really need is to have a nail bang through the back of my neck. Thank you. Full type mongos, I find me family for life. Run it selector. Like one, pick up the mic when I come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from my head to my feet, yo. Four, pick up the mic and tour. Five, catch the girl, them eye. Six, smash up the dance with lyrics. Seven, never go and touch no weapon. These are the rules and lessons. Yeah, these are the rules of the dance. Young mega chant them down real fast. Don't not bad, don't not hard. Leave a song boy lyrically scarred. People in my seat, them my tunes in my heart. So me give it thanks and praise to the Lord. Split me a spot when me enter the dance. Make the people them a jump in a prance. Make the people them a jump in a bubble. Only good vibes, me not cause no trouble. Lyrics on point, no model. Girl, them waiting a dance for a cuddle. Life it a hard, yes me a hustle. Hold tight Simba, him and me uncle. Yeah, me lyrics, I'm a bigger than a Kimbo muscle. Pass me the mic, let me bust to. One, pick up the mic when I come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from my head to my feet. Four, pick up the mic and tour. Five, catch a girl, them eye. Six, smash up the dance with lyrics. Seven, never go and touch no weapon. These are the rules and lessons. In the game from early, still mash mic. If you chat slack, then you're not concerned me. Only chat clean, never chat dirty. Roll up a thing that's green and earthy. Strictly high grade, no me not say it's earthy. Ganja is ailing, never gon' hurt me. Ganja baby from nurse me. What? You know the name is a CP. We got the mic and make it look easy. Never touch gun off our five streetsy. Send a gunman home just like E.T. Music's my life, trust, believe me. Music's my wife, you will never gon' leave me. Yo, check out the album, check out the CD. Never gon' get too greedy. Yo, one, pick up the mic when I come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from my head to my feet. Four, pick up the mic and tour. Five, catch a girl, them eye. Six, smash up the dance with lyrics. Seven, never gon' touch no weapon. These are the rules and lessons. Man, I set up the sound. Touchdown. We had a big name, so we gon' bring crowd. Sound it to Chris and Sweet. You already know that it won't be loud. So when we touch down, we had a champion sound. We make a sound boy turn red and a frown. Drop a duck plate, make a man say wow. Hit him like boom, pow, pow. I'm no little MC, man, I'm artist. We won't stop to me one of the artists. Not no stage, me not past it. Come in lyrics and my gone everlasting. Pass me the chalice, come make me blast it. Back to the place where the people are dancing. No Mr. P in my gone outlasting. I'll be the last one laughing. Like one. Pick up the mic when I come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from my head to my feet. Yo, four, pick up the mic and tour. Five, catch the girl, them eye. Six, smash up the dance with lyrics. Seven, never gonna touch no weapon. These are the rules and lessons. Yo, one, pick up the mic when I come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from my head to my feet. Four, pick up the mic and tour. Five, catch a girl, them eye. Six, smash up the dance with lyrics. Seven, never gonna touch no weapon. These are the rules and lessons. The rules and lessons.

Inspirational Dublin, from Tennis String Studio in Leeds, you know, from the ghetto, Chapelton, you know. Down there, me the one live a Satan life down there. Me the one live a Babylon way down there. Me the one follow politician life down there. Cause them have corrupted minds down there. Down there. Down there. Down there. Down there. People them a thief and a rob down there. Take another man's life, we down there. I shoot and I stab a one another down there. Pure one among them, I preach down there. Suicide bomb, I kill the innocent there. Me the one take a dreadful life down there. Down there. The DJs nowadays come to DJ. I come to deliver. You understand? Yes, I, vous écoutez Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier. Sélection 100% Campus Hi-Fi ce soir. Don't fail. We'll be right back. Abu Dubs in a Celtic style. We'll be right back. tune now. In a power combination, the old joker smoker in a deep place. Rebel I at the microphone, Mr. Zebra. So, legal, quiero mi ganga legal. Dejar de comprarle a un wicked man. So legal, quiero mi ganga legal. Porque ocultarme si no soy criminal. Legal, quiero mi ganga legal. Si la fuman políticos porque pa' mí está mal. Legal, quiero mi ganga legal. Sembrarla, cuidarla y cosecharla. Vamos a aprender, yes, hoy la María. Que quiero fumarla todo el día. Es natural y no contamina. Quiten la libertad. Look in the book of life. Escrito está que la ganja el hombre debe de usar en su meditación o para sanar. Hay tanta cosa positiva que te puede brindar. Soy legal, quiero mi ganja legal. Dejar de comprarle a un wicked man. Soy legal, quiero mi ganja legal. ¿Por qué ocultarme si no soy criminal? Legal, quiero mi ganja legal. Si la fuman político porque pa' mí está mal. Legal, Yes, I, vous écoutez Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier. Campus Hi-Fi à la sélection. Le morceau, c'est Flo Dubois, Test of Emergency. Pure tune. We'll be right back. Thank you. free to move. Universe is infinite. Space, travel. We'll be right back. friend in the area, I tell you this. Brand new exclusive for all of the family, Massive and Crew. I smoke the marijuana to get right off the stress. Too much farmers in the area, consciousness. But better not danger. Our ganja man's a special request. Some system culture for you is my praise. For each and everyone that support this madness. People dance in our corner. All of the massive special requests. Our reggae music's not a contest. Ganja friend, my domain are depressed. Zian Pan, France, Pan, the East to the West. A special request. Our reggae music's not a contest. Ganja friend, my domain are depressed. Zian Pan, France, Pan, the East to the West. Super France, a special request. When you feel so done, when you feel so gone, when you want musically madness, musically bomb. When I fall in love, when I speak truth, when I play smooth, when I play tough. Sin, reggae music, never enough. Our reggae music's not a contest. Ganja friend, my domain are depressed. Jan Pan, France, from the East to the West. Super France, a special request. Our reggae music's not a contest. Ganja friend, my domain are depressed. Jan Pan, France, from the East to the West. Me at the digital dawn, my stomach champion. First ganja in me bun, what a bun, bun, bun. Give me redeem, give me version. Give me sound system, give me the microphone. Nobody can stop our feeling. Barter business, not trade that dealing. Liquor S on the mic, super F on the rhythm. Killing, killing, killing. Our reggae music's not a contest. Ganja friend, my domain are the place. Jan Van France from the East to the West. Massive and Crew, the special request. Our reggae music's not a contest. Ganja friend, my domain are the place. Jan Van France from the East to the West. Massive and Crew, the special request. Our reggae music from the corner. My slumen real ganja farmer. The special request for all of the farmer. All what I say is what we represent. Politicians lie, me not like them. We know how to forget problems. Around the regime, this is the system. Reggae music's not a contest. Ganja friend, my domain are the place. Jan Van France, from the East to the West. From the South, from the North, a special request. Reggae music's not a contest. Ganja friend, my domain are the place. Jan Van France, from the East to the West. basse fréquence sous l'eau, inaudible pour l'homme. Autour de leur Thank you.

Yes, I. C'était Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier. Romain, Ludo, Cédric à la sélection. Et du coup, on vous dit un petit bonne nuit avec un morceau nommé Sleep on It de Stand By Patrol. Et bonne nuit. The darkest hour is just before dawn. The darkest hour is just before dawn. Sleep on it, sleep on it, sleep on it. Tomorrow you'll have another chance. Tomorrow you'll have another chance. So sleep on it, oh, sleep on it, ah, sleep on it, ah, ah, ah. Sleep on it.